Chez Harmonie Mutuelle, le pouvoir du collectif, c'est permettre à tous d'être bien remboursés. Comme avec Paul. Paul n'avait pas les moyens de s'offrir une prothèse auditive et avait arrêté la guitare. Grâce à notre réseau, on se bat pour que chacun puisse s'équiper et Paul a même eu accès au remboursement intégral. Ça sonne bien, le collectif. Découvrez toutes nos solutions santé sur harmonie-mutuelle.fr. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Mutuelle soumise au code de la mutualité. Venez rencontrer nos conseillers dans votre agence, 4 place Léon Gontier à Amiens. Quel est le lien entre bâtir, habiter et penser? C'est le titre d'un essai de Heidegger, publié en 1951, 14 ans après Être et Temps, et dans lequel le philosophe s'appuie sur la crise du logement que connaît l'Allemagne d'après-guerre pour mieux renouveler son approche de la question de l'être. Alors comment la question de l'habitat entraîne-t-elle une réflexion sur notre être au monde? C'est la question du jour. Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique. Dans son essai intitulé « Bâtir, habiter, penser », Martin Heidegger assimile l'état humain à un séjour auprès des choses. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux? Les briques. C'est les briques rouges. Ouais. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Mmh. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire, tiens, quel beau parterre, quelle magnifique asymétrie, oh, et quelle belle tonalité de briques. Mais on ne leur donne pas l'occasion non plus. Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres très aérés, un peu à la Frank Lloyd. La réalité de l'architecture, c'est le concret. Ce qui est devenu forme, masse et espace. Son corps. Il n'y a pas d'idée en dehors des choses. Bonjour Céline Bonico-Donato. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Quel est le point commun entre Heidegger et Benoît Poelvoorde? Ah, cet extrait est très bien choisi puisque le point commun est précisément un certain attachement à ce que veut dire habiter et aux qualités que doit avoir un logement pour mériter ce nom. Et Benoît Poelvoorde fait une critique très incisive d'un certain type d'urbanisme qui méconnaît l'exigence d'habiter qui est portée par l'homme et qui réduit son habitat à un simple abri. Abri d'une vie biologique, conformiste, réduite au métro-boulot-dodo devant un poste de télévision. Donc Benoît Poelvoorde est un heideggerien qui s'ignore et sa critique est particulièrement pertinente. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que dans le film, en tout cas c'est arrivé près de chez vous, c'est un tueur en série qui s'en prend à la classe moyenne et aux personnes âgées. Alors on ne sait pas si peut-être l'un et l'autre ont une vie privée et politique plus sulfureuse qu'il n'y paraît là aussi. En tout cas, vous êtes Céline Bonico-Donato, maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes, École nationale supérieure d'architecture. Ça veut dire que vous enseignez la philosophie aux futurs architectes? Oui, tout à fait. Les architectes, dans certaines écoles d'architecture, ont droit à des cours de philosophie qui me paraissent très importants pour leur faire prendre conscience de la responsabilité qu'ils portent pour édifier le cadre de vie de leurs concitoyens. Et vous avez une formation de philosophe, vous étiez venu parler de Hume à ce micro il n'y a pas si longtemps. C'était un choix de votre part d'aller en école d'architecture, j'imagine? Oui, c'est tout à fait un choix. L'envie de transmettre un éclairage philosophique sur la spatialité, sur la condition humaine, sur ce qu'est l'existence vis-à-vis de gens qui sont appelés à construire et à avoir des implications concrètes. Donc c'est une manière pour moi de faire en sorte que la philosophie puisse, à travers leurs projets, leur formation, avoir une efficace dans la société civile. Vous êtes l'auteur de Heidegger et la question de l'habité, une philosophie de l'architecture aux éditions Parenthèse, un excellent ouvrage dans lequel on comprend à la fois la philosophie de Heidegger si on n'en est pas familier, et l'importance qu'a ce texte de Heidegger, Bâtir, habiter, penser, pour la pensée de l'architecture. Justement, est-ce que vous l'enseignez ce texte ? Oui, tout à fait. Je l'enseigne en deuxième année où les étudiants sont appelés à concevoir dans leur projet d'architecture des habitations. Et donc, j'essaye de leur faire prendre conscience des qualités que doivent avoir des logements pour permettre véritablement aux gens d'habiter et pas simplement de les abriter. Alors, quel est le projet de Heidegger lorsqu'en 1951, il publie ce court texte, on le trouve aujourd'hui dans des essais et conférences de Heidegger, il fait quelques pages. Il a publié 14 ans avant Être et temps, qui est un ouvrage de philosophie, même de métaphysique, où il réfléchit, il essaie de comprendre l'essence même de l'être. Et là, il s'intéresse à des questions qui peuvent paraître annexes, à savoir la question de l'habitat. Que s'est-il passé ? Donc, c'est vrai que c'est un texte qui peut susciter une certaine crispation quand on le lit, puisqu'il parle d'habiter, mais il en parle de manière qui peut sembler dans une première lecture extrêmement abstraite et hermétique. Puisqu'en effet, quand on parle d'habiter, j'allais dire, le premier réflexe est de penser au droit au logement. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas de logement, il y a des logements insalubres, on pense, nous, lecteurs du 21e siècle, aux immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille qui se sont effondrés. Et là, on a une espèce de réflexion qui peut sembler éthéré dans une première lecture où il va réfléchir au sens de l'existence humaine, au respect du quadripartite, donc une réflexion très ontologique. Et on se dit, mais pourquoi écrit-il ce texte et en quoi ça nous parle d'habiter? Et en fait, il est très important de se rapporter au contexte d'écriture pour comprendre la force du texte et que sous un aspect tout d'abord abstrait, voire lyrique, voire détaché du réel, en réalité, c'est une lecture profondément engagée qu'il nous propose. Donc, c'est un texte qu'il va prononcer lors d'une conférence devant des architectes et devant des ingénieurs qui sont en train de reconstruire l'habitat de l'Allemagne, qui a été massivement bombardé durant la Seconde Guerre mondiale, et énormément de gens se retrouvent sans logement. Et donc, tout le propos de Heidegger est de dire, bien sûr, il faut reconstruire, mais il va falloir reconstruire en offrant aux gens un logement qui leur permette de réaliser leur être. Un logement qui ne va pas simplement satisfaire des exigences biologiques, de confort physique, mais que tout un chacun n'a pas droit simplement à un logement, mais a droit à un habitat. Donc en fait, c'est une exigence, j'allais dire, plus radicale que le droit au logement. Ce qu'il défend, c'est un droit à l'habiter. Et on va voir émerger dans son texte un certain nombre de qualités concrètes que doivent avoir les habitats. Mais on va voir que par habitat, ça peut être aussi un espace public, un équipement, etc. Et donc c'est un texte, de sensibilisation que fait Heidegger auprès des architectes pour leur dire « il faut construire ». Mais bien construit. Alors, quelle différence entre se loger et habiter ? Donc, ce qu'il va essayer de montrer en réfléchissant à l'étymologie des termes, et effectivement, là, on voit une différence par rapport à être et temps. Donc, si on peut revenir brièvement sur le projet d'être et temps, la grande question qui anime Heidegger, c'est la question de l'être. Et donc, cette question de l'être, on va la trouver tout au long de sa philosophie, mais il va la poser de deux manières différentes, dans ce qu'on appelle le premier Heidegger, dont relève être et temps, et dans le deuxième Heidegger, auquel appartient notre texte. Et donc, ce que l'on trouve dans être et temps, c'est que la question de l'être, on ne peut pas la poser directement, on ne peut pas l'atteindre directement. Ce qu'il va nous dire, c'est que la philosophie s'est toujours intéressée aux étants, aux choses qui sont, et pas à la manière dont elles sont, et pas à leur manifestation. Étant E-T-A-N-T. E-T-A-N-T, exactement. Donc les étants, ce sont les choses qui sont, l'être, c'est la manière dont elles se manifestent, leur apparition, leur manifestation, le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Et donc dans être étant, le protocole qu'il met en place pour parvenir à l'être, c'est de s'interroger sur un étant particulier. Cet étant particulier, c'est nous, qui va nommer le Dasein. Et pourquoi ? Parce que le Dasein se préoccupe de son être. Donc nous, c'est-à-dire des êtres humains. Des êtres humains qui nous préoccupons de notre existence. Et donc, c'est la manière dont il va poser la question de l'être dans être étant, s'interroger sur le Dasein, qui se pose la question du sens de son être. Mais donc, être étant va être une impasse, un échec, puisqu'il va parvenir à l'être du Dasein, mais pas à l'être en général. Donc il reste bloqué dans ce protocole méthodologique qu'il a mis en place. Il ne parvient pas à une réflexion générale sur la manifestation des choses en tant que telles, mais il en reste à une réflexion sur l'existence de l'homme. Le Dasein qui s'interroge sur son être, Heidegger, va l'élucider comme existence, mais il ne parvient pas à une réflexion sur l'être en général. Deuxième Heidegger, dont relève notre texte « Bâtir, habiter, penser », puisque l'interrogation sur l'étant particulier qu'est le Dasein a fait obstacle à la saisie de l'être en tant que tel, on va essayer de se demander, du moins c'est ce qu'essaye de faire Heidegger, si on peut parvenir directement à la vérité de l'être. Donc non plus s'interroger sur le sens de l'être que pose le Dasein lorsqu'il s'interroge sur son existence, mais la vérité de l'être en tant que tel. Et donc pour lui, le langage est un véhicule, un médium par lequel l'être peut se dévoiler. Et donc le texte « Bâtir, habiter, penser », il commence par une réflexion sur le sens des mots, avec l'idée que l'être pourrait se manifester dans une réflexion étymologique. Alors, on va essayer c'est le meilleur résumé que j'ai entendu d'être étant en quelques minutes, bravo, mais on va essayer de ralentir pour être bien sûr de garder l'attention de ceux qui n'auraient pas lu ce texte. C'est quand même très difficile, être étant, il faut le dire, c'est un texte redoutable, très polémique aussi, dont les interprétations sont très variées. Si dans ce texte-là, il essaye de continuer à élucider la question de l'être. Oui. Voulant par là ne pas réduire l'être à l'étant que nous sommes, donc à l'être humain, mais vraiment attaquer ou s'atteler à l'être en tant qu'être. Oui. Et qu'il commence par analyser le langage, c'est encore l'analyser à travers les outils qui sont proprement humains. Qui parle la langue humaine, le langage que nous employons, ce sont les êtres humains. Tout à fait. Effectivement, c'est un protocole méthodologique qui peut laisser perplexe et qui présuppose, que toute langue est riche, on pourrait dire, d'une métaphysique latente qui échappe à l'usage que l'on en fait. Et en fait, il s'agit de se rendre réceptif à la parole en tant que telle. Mais effectivement, c'est une méthode qui peut susciter des interrogations. Il me semble que Heidegger est convaincant, en fait, lorsqu'il analyse des poèmes. La poésie, qui est une forme de langage non utilitaire, on peut imaginer qu'une manifestation de l'être advienne de manière plus limpide que lorsqu'on lit une notice de médicament ou je ne sais quoi. J'ai deux questions à vous poser avant qu'on rentre dans le texte précisément. La première concerne le projet heideggerien. Vous dites élucider la vérité de l'être. Oui. C'est le projet philosophique en général. Oui. Évidemment, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce que c'est que cet être? Quand je dis que quelque chose est, qu'est-ce que ça signifie? Ce qui est une question vertigineuse, en fait. Là où Heidegger se singularise ou marque son originalité par rapport à l'ensemble de la philosophie, c'est de dire que cette question de la manifestation en tant que telle n'a pas retenu l'attention des philosophes qui se sont plutôt intéressé aux propriétés, aux qualités des étants, c'est-à-dire à l'essence ou à la substance. Mais que la manifestation des choses en tant que telle a été reléguée aux oubliettes de la philosophie. Et il a écrit un texte qui s'appelle « La constitution ontothéologique de la métaphysique » en disant que à quoi s'intéresse la métaphysique, soit ce qu'il va appeler l'étantité, donc les propriétés communes. C'est ça, il invente un mot sur deux, donc ça ne lui facilite pas la tâche. Soit à l'étant suprême, qui est radicalement différent des autres étants, à savoir Dieu. Mais donc Dieu, ou ce qui est commun à toutes les choses qui sont, on rate la question de la manifestation du « il y a ». Il dit que le « il y a », les philosophes ne se sont pas assez intéressés à la donation, à la manifestation de l'être en tant que tel. Et vous pensez qu'il a raison sur ce point ? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il a pleinement raison. Après, la question, et voilà, moi, je me revendique pas du tout comme heideggerienne. Je ne suis pas sûre que la question de l'être soit la question la plus importante de la philosophie, mais bon, voilà, j'assume ce point de vue puisque je ne suis pas, je ne me revendique pas comme heideggerienne, mais je pense que le diagnostic qu'il fait est juste. Mais ce qui me semble plus intéressant dans son projet, c'est comment à travers cette élucidation, ce dévoilement qu'il veut mener de la vérité de l'être, il nous dit des choses fondamentales sur notre rapport au monde et sur la manière dont nous sommes sur Terre. Ce qui me conduit à ma deuxième question que je suis obligée de poser. Que répondez-vous à ceux qui vont vous dire ou qui sont en train de penser que Heidegger, de par son engagement nazi, doit être absolument condamnée et que sa pensée elle-même serait peut-être nazie, et donc on aurait tort aujourd'hui de la prendre au sérieux, que ce serait très dangereux. Non, je pense absolument pas. Donc effectivement, la publication des cahiers noirs montre un antisémitisme incontestable. En plus de son nazisme, oui. Condamnable. Parce qu'il est engagé, mais... Condamnable, plus que choquant. Par rapport à la question du nazisme, bon, il a eu des prises de position où il a condamné comme principe barbare. Sa philosophie n'a pas été reprise par le parti nazi. Donc si sa philosophie était nazie, on se demande pourquoi le régime nazi se serait privé de l'embrigader à ses côtés. Mais donc moi, ma position, pour répondre clairement, il faut penser avec Heidegger contre Heidegger. Donc je pense que le texte de Bâtir, habiter, penser de 1951 est un texte extrêmement riche, pertinent, et ce qui m'intéresse, ce sont les usages qui sont faits aujourd'hui par différents architectes de ce texte, qui n'ont rien à voir de près ou de loin avec un quelconque antisémitisme ou un quelconque nazisme. Eh bien, voici quelques lignes. Bâtir, habiter, penser, lu par Maëlys Ricordo. L'immortel habite alors qu'il sauve la terre. Sauver n'est pas seulement arracher à un danger, c'est proprement libérer une chose, la laisser revenir à son être propre. Sauver la terre est plus qu'en tirer profit, à plus forte raison que l'épuiser. Qui sauve la terre ne s'en rend pas maître, il ne fait pas d'elle sa sujette. De là à l'exploitation totale, il n'y aurait plus qu'un pas. Les mortels habitent alors qu'ils accueillent le ciel comme ciel. Au soleil et à la lune, ils laissent leur cours, aux astres leur route, aux saisons de l'année leur bénédiction et leur rigueur. Ils ne font pas de la nuit le jour, ni du jour une course sans répit. Les mortels habitent alors qu'ils attendent les divins comme tels. Espérant, ils leur offrent l'inattendu. Ils attendent les signes de leur arrivée et ne méconnaissent pas les marques de leur absence. Les mortels habitent alors qu'ils conduisent leur être propre, pouvoir la mort comme mort, alors qu'ils le conduisent dans la préservation et l'usage de ce pouvoir, afin qu'une bonne mort soit. Dans la libération de la terre, dans l'accueil du ciel, dans l'attente des divins, dans la conduite des mortels, l'habitation se révèle comme le ménagement quadruple du quadriparti. Ménager veut dire avoir sous sa garde l'être du quadriparti. Ce que l'on a sous sa garde doit être mis à l'abri. L'habitation comme ménagement préserve le quadriparti dans ce auprès de quoi les mortels séjournent, dans les choses. Transculture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons d'architecture cette semaine, aujourd'hui du texte de philosophe Heidegger qui s'appelle Bâtir, habiter, penser, en compagnie de la maître de conférence Céline Bonico-Donato qui enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture. Le texte que nous venons d'entendre est donc un extrait de cette conférence de Heidegger. Et alors c'est intéressant parce que quand on entend ce texte à l'oral, il y a quelque chose de très poétique. Ah oui. On voit vraiment, on pourrait presque croire qu'on est dans une forme de délire mystique. Les mortels habitent alors qu'ils accueillent le ciel comme ciel. Ouais. On est bien loin de des considérations techniques, philosophiques, oui, auxquelles ils nous avaient habitués. Tout à fait, effectivement. Là, c'est assez lyrique. Et la première fois que Heidegger a introduit cette idée, donc on va revenir sur l'idée, mais du quadriparti, c'est une nouvelle manière de nommer le monde avec la terre, le ciel, les divins et les mortels. Gadamer, qui l'a entendu parler de cette entité assez mystérieuse, a dit « mais qu'est-ce que j'entends vraiment ?» Il se demandait ce que Heidegger racontait. Effectivement, on est bien plus près de la poésie que d'un texte philosophique traditionnel. Mais ce qui me semble important, en fait, de souligner pour comprendre ce qu'engage ce rapport poétique au monde, hein, qui nous invite à nouer, c'est de revenir, comme je le disais au début, au sens des mots. Donc il va dire, voilà, les mortels habitent alors qu'ils sauvent la terre, et les mortels habitent alors lorsqu'ils accueillent le ciel, etc. Et en fait, cette réflexion sur l'habiter, elle se noue à partir d'une réflexion sur le verbe allemand qui veut dire construire, qui est le verbe bauen. Donc, quand on ouvre un dictionnaire, le premier sens que l'on va voir, c'est construire, édifier. Le deuxième sens de Bauen, c'est habiter, puisqu'on va retrouver dans une expression comme le voisin, der Nachbar, celui qui habite, bar, Bauen, nar, à côté. Donc, deuxième sens de Bauen, édifier, construire, premier sens, deuxième sens, habiter. Cet habiter, Heidegger va nous dire que sa racine en langue indo-européenne, c'est bu qui veut dire être. Donc une équivalence entre trois termes, construire, habiter qu'on retrouve dans Narbar, et je suis qu'on retrouve dans la racine indo-européenne. Donc construire, habiter, être, pour l'homme, une équivalence. Quatrième sens qui va distinguer, c'est ça qui permet de comprendre la manière dont il pense l'architecture et ce que veut dire habiter. Bauen, en allemand, c'est également cultiver, prendre soin de la croissance d'un végétal. Et donc ça va extrêmement intéresser Heidegger, et il va sensibiliser les architectes auxquels il s'adresse sur ce point, en leur disant la construction, lorsque vous la pensez de manière traditionnelle, comme on peut le voir dans les textes d'Alberti, par exemple à la Renaissance, comme un projet, comme quelque chose d'intellectuel où l'architecte conçoit une idée qu'il va projeter dans le réel pour façonner le monde selon son intention, c'est une erreur. C'est une mauvaise interprétation de ce que veut dire construire en vérité. Construire, c'est prendre soin de ce qui est là. C'est-à-dire que le projet d'architecture, il ne doit pas être plaqué, imposé depuis l'intentionnalité de l'architecte, mais il doit se penser comme une graine qui serait virtuellement présente dans le texte et que l'architecte va se contenter de faire éclore. Et donc, c'est cette idée d'un rapport de soin, d'attention, de ménagement qui nous invite à penser dans ce texte. Les mortels vont habiter alors qu'ils vont sauver la terre. Ils vont habiter lorsqu'ils vont accueillir le ciel, ils vont habiter lorsqu'ils vont conduire leur être propre vers la mort, on va revenir sur ça, et lorsqu'ils vont également accueillir les divins. Donc on habite véritablement quand on prend soin du monde. Mmh. Pour bien comprendre la différence entre le logement et l'habitation, il y a un architecte norvégien, Christian Norberg Schulz, qui a repris le texte de Heidegger, Bâtir, habiter, penser, pour faire une critique plus concrète que ne le fait Heidegger, des grands ensembles des années 50, en disant qu'ils se manifestent par une indifférence au lieu, qu'il n'y a pas de rapport avec le monde, avec l'extérieur, que les bâtiments sont posés et qui pourraient être déplacés n'importe où, sans qu'il y ait une quelconque relation entre le bâtiment et ce qui l'entoure. C'est ce que disait Jean Nouvel hier à ce micro, figurez-vous, il était à votre place justement, en disant que l'architecture ne se concevait pas sans cette mise en situation. Tout à fait. Un bâtiment n'était jamais indépendant des autres bâtiments au sein desquels il vient s'insérer, et ni du contexte culturel, de l'époque, etc. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que fondamentalement, en fait, l'architecture, elle dépasse le bâtiment. L'architecture, c'est le bâtiment, et les relations. Et donc, Heidegger, il propose de comprendre ce que les architectes appellent traditionnellement le site ou le contexte avec ce terme de quadripartie. Donc assez mystérieux, poético, vous avez dit ésotérique, je ne sais pas quelle est l'expression. Quelle est l'expression que vous avez employée tout à l'heure. Mais donc c'est un terme qui est très intéressant parce qu'il y a un changement important dans la conception du monde. Pour Heidegger, entre être et temps, en 1927, et bâtir, habiter, penser. Dans être et temps, le monde est pensé comme relatif au projet du Dasein. C'est-à-dire que donc vous, moi, on crée un monde par les projets que nous faisons. Donc, j'allais dire, nous vivons dans des mondes qui peuvent se recouper partiellement, mais le monde, c'est la manière dont nous organisons les étangs qui nous entourent en fonction de ce que l'on va en faire. Donc, par exemple, ce micro, peut-être que je pense qu'il arrive, que le son de ma voix arrive jusqu'à la radio qui est dans ma cuisine, je pense à ma cuisine, éventuellement à la fuite d'eau, pompier que je dois appeler. Donc, on voit comment se dessine un monde en fonction de mes préoccupations, de mon usage affairé du monde. Donc, le monde est pensé comme relatif au Dasein. Donc, il y a une intimité, une ouverture, mais ça dépend de mes projets. Une subjectivité, surtout. C'est une pensée de la subjectivité, non? Si le monde dépend de moi. Moi, c'est ce que je dirais. Je dirais que dans être et temps, on est encore dans une métaphysique de la subjectivité, même si Heidegger s'en défend totalement. C'est ça. Lui n'est pas d'accord avec nous. Oui. Mais ce que l'on voit dans ce texte de 1951, c'est qu'il y a une dédainisation, je ne sais pas comment dire. Dédesignisation, oui. D'accord. Puisque le design est une composante du monde parmi les autres. Donc le monde est pensé comme quadripartie, une unité originelle qui est fondée de quatre instances. La terre, qui va recouper les règnes minéraux, végétaux et animaux. Le ciel, qui va recouper l'alternance du jour et de la nuit, le rythme des saisons, l'atmosphère, l'ambiance, le climat, les mortels, c'est-à-dire nous, et les divins. Donc c'est une notion difficile à comprendre chez Heidegger. Je dirais que ce sont les éléments sacrés qu'il peut y avoir dans un site, ce qu'on va appeler en architecture souvent le genius loci, les composantes symboliques, imaginaires, qui vont afférer dans un lieu. Donc on voit que le design ne va plus projeter le monde ou ne va plus organiser le monde en fonction de ses projets, mais qu'il est une entité parmi d'autres dans cette unité originelle. Donc il perd de son rôle constructif ou de voilà pour être inséré dans cette unité. Et donc ce que nous invite à penser Heidegger, c'est comment il faut prendre soin du monde dans ces quatre dimensions par la manière dont on habite et par la manière dont on construit. Et on peut prendre un exemple oui. Parce qu'en fait, il a influencé des architectes de manière directe. Et j'ai sous les yeux, grâce à Jules Barbier d'ailleurs, qui m'a imprimé les images des bâtiments qui ont été inspirés par ce texte-là, parce qu'il y en a certains, notamment les thermes de Valls, construits par Peter Zumthor en Suisse. Les thermes ont été construites dans les années 90, c'est ça. Et alors je vais peut-être vous laisser les décrire, parce que ce qu'on voit là, moi, en tout cas, ce que j'ai sous les yeux, je vois une espèce de bloc de béton très anguleux, où je ne vois pas forcément le rapport avec la terre en dessous et le ciel au-dessus. Il y a quelque chose qui semble contradictoire avec le texte que je viens d'entendre. Oh, c'est peut-être la prise de la photo. Il faudrait que vous envoyiez d'autres. En fait, donc le bâtiment effectivement se présente comme un grand parallélépipède de pierre. Bah, un bloc de béton. Non, c'est pas du béton, c'est du gneiss extrait d'une carrière locale. Donc le bâtiment est bien inséré dans la pente. Donc il faudrait que vous voyiez la. J'allais dire une autre prise de la photo. Aller le voir, en fait. Voilà. Le toit aussi est engazonné, donc il y a une espèce de fusion du bâtiment dans le site. Et la chose qui est très très importante pour Zumthor, c'est l'importance qui est accordée aux matériaux. Donc il ne s'agit pas d'exploiter la terre, comme le dit Heidegger. C'est les matériaux qui ont été extraits d'une carrière locale et qui s'harmonisent avec les constructions traditionnelles avoisinantes. Il y a une attention qui est portée également au ciel et aux phénomènes atmosphériques, parce que donc ce sont des thermes avec différents bassins d'eau à l'intérieur. Dans le bâtiment, on va avoir un ensemble de perspectives qui vont cadrer le paysage et qui permettent, quand on est dans le bâtiment, d'être en prise avec l'extérieur. Et le plafond des thermes de Valls est constitué de différentes dalles qui sont entourées de joints lumineux. Donc on est à la fois dans une atmosphère sombre, on a l'impression d'être à l'intérieur de la montagne, enveloppée par cette pierre du gneiss. Il dit la montagne s'est fait projet dans ces termes de Valls, mais le soleil pénètre et va se refléter sur l'eau des bassins. Donc il parvient à créer un microcosme en travaillant les différents éléments du site et du contexte pour les rassembler à l'intérieur des thermes. Mais par rapport à cette idée de ménagement que Zumthor, à mon sens, parvient pleinement à réaliser, on peut comprendre l'impact qu'a eu Heidegger sur une génération d'architectes qui vont être sensibles à la problématique environnementale. C'est ça, ouais. Parce que dans cette idée du prendre soin du site, l'idée que nous faisons partie du monde, on parvient à dépasser une conception simplement faible de l'écologie comme développement durable. Le monde n'est pas un ensemble de ressources qui suffirait d'économiser pour que nous puissions en user au mieux. Non, nous faisons partie du monde et ce monde, il s'agit d'en révéler la beauté en prenant soin. En fait, ce qui surprend, quand on voit les images justement des termes de Zumthor, oui, c'est qu'à la lecture du texte de Heidegger, on a plutôt en tête, en tout cas j'avais plutôt en tête, l'image de presque d'une cabane, en fait, d'une maison savoyarde, d'un chalet savoyard, vous voyez, qui correspond assez aux descriptions, non seulement que Heidegger fournit, mais aussi, on a des photos de Heidegger qui est dans sa hutte, sa cabane en Allemagne, dans la forêt noire, et c'est ce type de bâtiment qu'on a en tête. Donc il y a quelque chose de spectaculaire dans les termes qui peut surprendre. Mais vous avez tout à fait raison de souligner ça, puisque les deux, j'allais dire, en fait, il prend deux exemples dans Bâtir, habiter, penser. L'exemple le plus connu, le plus travaillé, ce sont les fermes de la forêt noire. Et donc, bien sûr, on pense à sa hutte. Donc, un exemple d'architecture vernaculaire. Donc, ça, c'est assez, j'allais dire, aussi provocateur de sa part. Il parle aux architectes en leur disant « La seule architecture réussie, c'est une architecture sans architecte. » Mais moi, ce qui me paraît... Oui, c'est ça. Ce texte peut, à certains égards, paraître contradictoire avec un projet architectural. Mais il me semble que là où le texte est intéressant, c'est dans l'usage qu'on en fait les architectes. Et on voit des architectes comme Zumthor qui font des bâtiments contemporains, incontestablement, avec des dimensions également importantes, qui ne revendiquent pas du tout une architecture ni minimaliste, ni traditionnelle, qui ont interprété le texte d'Heidegger et qui font du projet avec. Mais j'ajoute que dans le texte de Heidegger, le deuxième exemple qu'il prend, et peut-être qu'on en reparlera, c'est un exemple de pont. Et pour lui, le pont, c'est à la fois le pont traditionnel ou le pont de l'autoroute. Donc, je ne pense pas que Heidegger défende mordicus une architecture minimaliste, vernaculaire et nécessairement, je veux dire, passéiste entre guillemets. Il n'est pas, je veux dire, le style du bâtiment est moins important que la manière dont le bâtiment va prendre soin du monde ou non et va pouvoir le révéler. C'est ça, c'est pas nous qui prenons soin de l'habitat ou du monde à travers l'habitat, c'est aussi le bâtiment lui-même qui doit prendre soin du monde. Ah oui, tout à fait, puisqu'en fait, le bâtiment, et peut-être qu'on le verra avec le texte sur le pont, ce que réalise le bâtiment, c'est de tisser des relations avec les différentes entités et de les rassembler. Et donc, c'est ce qui permet de les voir. Alors, je vous propose qu'on écoute, avant d'écouter le texte sur le pont qui va venir dans un instant, qu'on écoute la voix de Philippe Madec, qui était un architecte qui a été inspiré par Kenneth Frampton, qui nourrit une forme d'architecture éco-responsable. Oui. Et maintenant que vous avez présenté ce que dit Heidegger de l'habitation, de l'importance de l'habitat dans notre rapport au monde, je pense qu'on entendra sa voix différemment. Et puis ensuite, le texte sur le pont de Martin Heidegger. Le soir, on rentre chez soi et on se confie, et sans doute on ne peut pas se confier davantage aux murs qui sont à côté de nous. On se déshabille, on se défait, on s'abandonne dans le sommeil. Et finalement, on ne peut s'abandonner à ce point que parce qu'il y a ces murs bienveillants autour de nous. L'architecture, c'est ça. Renzo Piano dit « c'est le plus vieux métier du monde à côté de quelqu'un d'autre ». Oui, l'architecture est là depuis quasiment toujours. Elle accompagne le simple fait que nous vivons ensemble. Et aujourd'hui, cette architecture, elle vit une époque particulière. C'est l'époque du dérèglement global, c'est l'époque de l'arrivée du développement durable, c'est l'époque d'une conscience de la relation de l'homme à la nature qui demande que l'on renouvelle nos relations à la nature. Léger et puissant, le pont s'élance au-dessus du fleuve. Il ne relie pas seulement deux rives déjà existantes. C'est le passage du pont qui seul fait ressortir les rives comme rives. C'est le pont qui les oppose spécialement l'une à l'autre. Avec les rives, le pont amène au fleuve l'une et l'autre étendue de leur arrière-pays. Il unit le fleuve, les rives et le pays dans un mutuel voisinage. Le pont rassemble autour du fleuve la terre comme région. Les piliers qui se dressent immobiles dans le fleuve soutiennent l'élan des arches qui laissent aux eaux leur passage. Que celles-ci suivent leur cours gaiement et tranquillement, ou que les flots du ciel, lors de l'orage ou de la fonte des neiges, se précipitent en masse rapide sous les arches, le pont est prêt à accueillir les humeurs du ciel et leur être changeant. Le pont laisse au fleuve son cours et en même temps, il accorde aux mortels un chemin, afin qu'à pied ou en voiture, ils aillent de pays en pays. Les ponts conduisent de façon variée. De ses arches élevées ou basses, le pont saute le fleuve ou la ravine, afin que les mortels, qu'ils gardent en mémoire ou qu'ils oublient l'élan du pont, afin qu'eux-mêmes, toujours en route déjà vers le dernier pont, s'efforcent au fond de surmonter ce qui en eux est soumis à l'habitude ou n'est pas sain pour s'approcher de l'intégrité du divin. Le pont, à sa manière, rassemble auprès de lui la terre et le ciel, les divins et les mortels. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle d'architecture cette semaine aujourd'hui du texte de Heidegger, Bâtir, habiter, penser, en compagnie de la philosophe Céline Bonico-Donato. Est-ce qu'on peut dire, après avoir entendu à la fois la voix de l'architecte Philippe Madec et puis un extrait de ce texte lu par la comédienne Maëlys Ricordo, qu'Heidegger anticipe le mouvement écologique et même l'architecture éco-responsable qui est née il n'y a pas si longtemps quand même en France. Est-ce que dès ce texte-là, en 51, il a déjà ça en tête? Oui, je pense tout à fait. Et surtout, si on le met en rapport avec le texte de 1954, si je ne me trompe pas sur la date, sur « Qu'est-ce que la technique ?» où en fait, il va critiquer le rapport qui est propre à l'époque contemporaine où nous sommes et qui est instauré dès l'époque moderne, qui est un rapport d'exploitation de l'homme vis-à-vis du monde qui l'entoure, donc où l'homme, j'allais dire, s'extrait de cette unité originelle du quadripartite pour introduire un rapport dualiste d'exploitation, d'arraisonnement. Et donc c'est intéressant que vous ayez passé cet extrait d'un entretien avec Philippe Madec, parce que c'est après l'avoir entendu dans une conférence que j'ai eu envie de travailler sur Heidegger. Je l'avais entendu à un colloque de Cerisy, qui était consacré à la pensée d'Augustin Berg, qui est un géographe, et Philippe Madec nous expliquait comment il en était venu à développer cette architecture d'éco-responsabilité, et il avait insisté sur des cours qu'il avait suivis aux États-Unis dans les années 80, avec un théoricien de l'architecture qui est Kenneth Frampton, qui a contribué à faire connaître le texte de Heidegger de 1951 auprès des architectes et qui a donc sensibilisé toute une génération d'architectes aux enjeux écologiques de la pensée de Heidegger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Frampton est un théoricien marxiste et donc qui a politisé le texte de Heidegger en considérant que voilà le rapport d'exploitation, d'arraisonnement que nous nouons avec le monde à l'époque contemporaine, pour Frampton, c'est la conséquence du système capitaliste dans lequel nous vivons. Et donc, il en appelle à la pensée de Heidegger pour repenser des lieux signifiants, en considérant que les non-lieux qui prolifèrent depuis les années 50, donc des bâtiments indifférents au site, au contexte, participe d'un système capitaliste qui a besoin de lisser les différences du monde, de globaliser l'architecture, de créer des bâtiments tous identiques, des machines à habiter, pourrait dire Frampton, pour que les capitaux puissent circuler. Il faut que tout soit lisse pour que ça circule. Il y a quelque chose d'insolent quand même de la part de Heidegger de dire en 51, en pleine reconstruction de l'Allemagne, où il y a une vraie crise du logement, de dire mais l'important c'est pas le logement, c'est de savoir habiter. Finalement, c'est cela qui nous manque. C'est pas tellement les habitations elles-mêmes que l'art d'habiter. Non, je ne pense pas qu'il dit ça. Il dit des logements manquent, mais il faut que les logements soient des habitations. Donc il en appelle à une pensée qualitative de ce qui est construit. Donc il ne dit pas il ne faut pas reconstruire, là n'est pas la question. Non, mais l'urgence. Non, mais après il pointe que l'urgence ne devrait pas faire passer au second plan l'importance, enfin l'art même d'habiter qu'il essaye de transmettre, c'est ça. Il me semble que dans son texte, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne faut pas construire n'importe comment. Mmh. Mais il ne dit pas que l'exigence que l'on ne peut pas nier, que l'on ne doit pas nier d'avoir un toit au-dessus de sa tête, ne doit pas être satisfaite. Mais il en appelle à quelque chose de plus. Et c'est tout à son honneur, en l'occurrence. Simplement, on pourrait aussi considérer que ce texte est complètement abstrait de toute forme de considération économique, contextuelle et historique, justement. Effectivement. On aimerait bien pouvoir construire les bâtiments comme il le dit, mais le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Effectivement, c'est ce que disent les architectes lorsqu'ils entendent ce texte, ou même lorsque moi, à mes étudiants, j'essaye de faire valoir ce point de vue. Comment, avec les contraintes économiques, les systèmes de normes dans lesquels ils sont pris, comment parvenir à réaliser cette architecture qualitative qui sauve la terre? C'est un peu Pangloss, d'ailleurs. Il faut cultiver son jardin, mais c'est un peu ça, du coup on a envie de lui dire, oui d'accord, dans le jardin ça marche peut-être, à la montagne ça marche, mais sinon c'est irréalisable, non? Ah, je pense pas que ce soit irréalisable, et ce qui est intéressant c'est de voir comment des architectes, y compris dans des milieux urbains, y compris dans des logements collectifs, ont pu faire valoir cette pensée. Je pense à un architecte comme Henri Gaudin, qui a construit des magnifiques logements collectifs en banlieue parisienne à Courcouronnes-Évry, a tenté de manifester cette attention à la lumière, cette attention à la topographie, en prenant soin, j'allais dire, des ouvertures, des cadrages, des courbes que peut avoir le bâtiment, ou également dans son stade Charletti. Donc, il se réclame de Heidegger. Il construit, j'allais dire, dans le système économique, avec les contraintes dans lesquelles nous sommes, et il me semble, donc c'est bon, j'allais dire, c'est un avis extérieur de non-habitante de des logements qu'il a construits à Évry-Courcouronnes, qu'il y réussit pleinement. En tout cas, ce qu'Heidegger écrit, pour qu'on l'ait en tête, oui. Partout on parle, et avec raison, de la crise du logement. On n'en parle pas seulement, on met la main à la tâche. On tente de remédier à la crise en créant de nouveaux logements, en encourageant la construction d'habitations, en organisant l'ensemble de la construction. Si dur et si pénible que soit le manque d'habitations, si sérieux qu'il soit comme entrave et comme menace, la véritable crise de l'habitation ne consiste pas dans le manque de logements. La vraie crise de l'habitation, d'ailleurs, remonte dans le passé plus haut que les guerres mondiales et que les destructions, plus haut que l'accroissement de la population terrestre et que la situation de l'ouvrier d'industrie. La véritable crise de l'habitation réside en ceci que les mortels en sont toujours à chercher l'être de l'habitation et qu'il leur faut d'abord apprendre à habiter. Oui, effectivement, ce texte, il montre que le diagnostic que porte Heidegger sur la reconstruction de l'Allemagne dans les années 50 dépasse ce contexte immédiat pour mettre en évidence que ce rapport contemplatif au monde qu'il appelle d'une certaine manière à mettre en œuvre est quelque chose que l'homme a toujours eu tendance à oublier, puisqu'il est pris dans un monde utilitaire, dans un monde de préoccupations, avec des urgences socio-économiques diverses, dont la crise des années 50 est une des manifestations, mais qui a pu se produire auparavant. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres philosophes à sa suite qui ont investi ce concept d'habiter, d'habitation ? Bon, je pense à la poétique de l'espace de Bachelard, mais qui est un texte sensiblement différent. Bon, d'une part parce qu'il est assez critique vis-à-vis de Heidegger, mais là n'est peut-être pas la question. Lui, il va s'intéresser à l'habiter, mais par rapport à la rêverie que peut susciter la notion d'habiter, par rapport aux images poétiques qui sont liées à l'espace, à la maison de l'enfance, mais où il n'y a pas une réflexion sur l'architecture en tant que telle, ou sur la manière dont il faut construire. Parce qu'il faut dire qu'avec ce texte, Heidegger non seulement change la conception qu'il se fait de l'être, ou change de méthode pour atteindre la vérité de l'être, ça vous l'avez bien dit, mais ce faisant, c'est pas simplement la question de l'être qui va se trouver modifiée, ou son approche, c'est aussi la question de l'espace. Oui. Parce qu'au fond, dans les textes qu'il a écrits jusque-là, l'espace est celui qui peut permettre de penser. Enfin, c'est Kant qui dit bien que l'espace et le temps sont les formes, a priori, dans lesquelles s'inscrit, elle va naître la pensée. Ici, c'est l'espace, et l'espace géométrique, l'espace architectural. C'est une notion d'espace qui est complètement différente. Il parle d'espace architectural, mais il invite à le considérer différemment par rapport à l'espace géométrique. Donc, dans le texte là qui a été lu juste auparavant là sur le pont, ce que l'on voit donc, c'est que le pont rassemble les différents éléments du monde, que le pont prend soin du passage de l'eau, prend soin également du souffle du vent, etc., et que le pont spatialise. Voilà. C'est ça qui est dit. Donc ça, c'est assez étonnant. C'est le passage du pont qui seul fait ressortir les rives comme rives. C'est le pont qui les oppose spécialement l'une à l'autre. Donc le pont pour Heidegger dans ce texte, c'est le paradigme d'une architecture réussie qui permet d'habiter. Ce qui est intéressant puisque c'est un équipement et pas un logement, puisque c'est pas nécessairement quelque chose qui ancre, mais c'est quelque chose qui permet de se déplacer. Donc c'est aussi un choix assez intéressant. Mais donc l'idée que le bâtiment n'est pas dans l'espace, comme on aurait tendance à le considérer de prime abord, mais que c'est le pont ou le bâtiment qui va spatialiser en introduisant des relations entre les choses. Donc, dans cette conception originale de l'espace, on trouve un certain nombre d'échos avec des développements antérieurs dans Être et Temps, où il y avait notamment une critique de l'extensa chez Descartes, de l'espace comme étendu, comme caractéristique de la substance corporelle. Donc, il y a des échos avec les textes précédents, mais l'idée, Et là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure par rapport au monde, que l'espace dans Être et Temps, c'est le Dasein, on va dire, qui spatialise par ses préoccupations. C'est lui qui introduit de la distance entre les choses selon qu'il s'en préoccupe ou non. Voilà, on peut être près de quelqu'un, mais si on est en train de penser à une autre personne, c'est l'autre personne qui peut être très loin géographiquement, qui est près de moi, et inversement. Donc l'idée que la spatialisation se fait est fonction des préoccupations du Dasein. Et donc dans ce texte, on retrouve le même mouvement que pour le monde. De même que le monde n'était plus relatif au Dasein, là l'espace cesse d'être relatif à nos préoccupations pour être engendré par le bâtiment. Et donc c'est l'idée que l'espace géométrique, l'espace du plan, donc l'étendue ou l'intervalle, donc il va parler de spatium, l'intervalle, ou de l'extensa, l'étendue, donc ce qu'on va retrouver dans le plan, ce sont des constructions secondes, intellectuelles, dont on a besoin. Il ne dit pas que les architectes doivent renoncer à faire des plans ou qu'il ne faut pas sortir son GPS en regardant le plan de la ville, mais que l'espace, sa manifestation première, ce sont les relations, les perspectives qui sont introduites par le bâtiment qui circonscrit différents éléments en offrant un point de vue sur eux. Donc ça s'applique à d'autres bâtiments que les ponts. Tout à fait. Et donc bien sûr, ça c'est très intéressant pour penser ce qu'est l'espace vécu. Il veut dire que la manifestation première de l'espace, c'est un espace qualitatif que l'on perçoit depuis l'emplacement qui nous est offert par l'architecture. Donc, c'est-à-dire que l'espace ne découle pas simplement du monde tel que nous le percevons, mais qu'il est aussi induit par le rapport que nous entretenons avec ce monde, en fait. Tout à fait. Ça marche dans les deux sens. On pourrait dire, en fait, que le bâtiment est accueilli dans le monde, mais en tissant des relations entre différents éléments, donc là, en l'occurrence, les rives, le fleuve, les arches, le ciel, etc., il structure, il introduit des relations qui permettent d'avoir une perspective sur lui. Et donc, si on suit ce paradigme du pont, on peut dire que habiter, c'est avoir une perspective sur le monde, avoir un point de vue et un commerce avec lui depuis un emplacement où on se situe, grâce à l'instauration de limites. Donc, il me semble que fondamentalement, ce que l'on peut dire de la conception de l'habiter pour Heidegger, et ça, c'est commun entre Heidegger et Bachelard, c'est que l'architecture, c'est ce qui circonscrit, c'est ce qui introduit des limites, c'est ce qui introduit une forme d'abri, en fait, dans le monde, qui va lui permettre, lui, de se rassembler et nous, de trouver notre place en son sein. Mais l'abri ne suffit pas à habiter, c'est ça qu'il montre bien. Tout à fait. Puisque si cet abri est un habité, c'est que l'abri n'est pas une clôture, une fermeture, mais ce qui nous offre une perspective sur ce qui nous entoure. Mais ça veut dire qu'il faut quand même réunir certaines conditions pour pouvoir habiter quelque part. Oui. On ne peut pas habiter n'importe où. On ne peut pas habiter n'importe où, mais il n'y a pas d'exclusion des différentes formes qui seraient ou non propices à nous faire habiter. Une tente, un pont, il prend comme exemple au début du texte un lieu de travail. On pourrait habiter ce studio ? On peut tout à fait habiter ce studio, j'en suis sûre. Est-ce que nous sommes en train de l'habiter ? Est-ce que nous sommes en train de l'habiter ? Il me semble que les éléments extérieurs ne sont peut-être pas assez présents. On est dans un lieu extrêmement fermé, replié sur lui-même, très tamisé, lumière électrique, donc je ne sais pas si le ciel est véritablement présent, climatisation. Donc, à mon sens, de l'ordre, quand ça ressemble trop à un blocos, et les relations ne sont pas assez présentes pour qu'on puisse parler d'un véritable habitat. Enfin, derrière vous, il y a 6 personnes qui sont en train de vous écouter derrière la vitre. C'est vrai. Mais la vitre... Et alors, je ne parle pas du nombre d'auditeurs qui est en espace, puisqu'on est très près d'eux et nous accompagnent. Donc, voilà, vous êtes quand même en train de dire que pour habiter et pour savoir habiter, il faut quand même réunir certaines conditions. Et donc, certains logements seulement peuvent correspondre à ces conditions-là. C'est ça que je veux dire, c'est que finalement, c'est pas uniquement une manière d'interagir avec le monde et de prendre soin. Il faut aussi avoir la chance, parce que ça devient une chance aussi aujourd'hui, d'avoir un logement qui permet d'habiter de telle façon. Ah oui, tout à fait, oui. Il y a des conditions matérielles incontestables. Mais je crois que l'intérêt de ce texte est précisément de donner à des exigences qui pourraient sembler superflues quand on parle de logement décent, de leur donner un véritable ancrage existentiel par rapport à ce que veut dire être pour un homme. L'idée que l'on ne va être pleinement un homme que lorsqu'on parvient à réaliser ce rapport contemplatif avec le monde, avec les choses qui nous permettent d'être en harmonie avec ce qui nous entoure. Et donc, les conditions matérielles, à mon sens, sont très importantes. Et elles sont présentes aussi dans ce texte. Comment expliquez-vous qu'il soit finalement assez peu étudié? En tout cas, en classe de philosophie, c'est pas le texte d'Heidegger qu'on étudie en premier. Peut-être qu'il est... que le style est assez, est assez difficile. Qu'il mais a pas plus assez... qu'à traitant. Oui, c'est vrai. Qui atteint quand même le sommet en termes de complications sémantiques et qui est pourtant est étudié, fort heureusement, dès la terminale. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être également parce qu'il présuppose de comprendre le changement qui s'est opéré dans la pensée de Heidegger, cette interrogation sur l'étymologie, le recours à une langue plus poétique. Et puis peut-être aussi que les professeurs de philosophie méconnaissent en fait l'usage qui est fait de ce texte et qui en fait en montre toute la richesse et permet d'aller au-delà d'une certaine abstraction que l'on peut ressentir à la première lecture. Lisez, en tout cas, Bâtir, Habiter, Penser, on le trouve dans les essais et conférences de Heidegger, quelle que soit l'édition que vous choisissez chez Gallimard, par exemple. On vous le recommande et notamment, ça peut fournir de très bons éléments de réflexion si vous intéressez à l'architecture. Merci beaucoup à vous d'être venu ce matin nous parler de ce texte. Je vous conseille également la lecture de votre texte, Céline Bonico-Donato, Heidegger et la question de l'habiter, une philosophie de l'architecture disponible aux éditions Parenthèse. On se quitte en chanson, Crosby, Stills, Nash & Young, Our House. Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs on. Notre studio n'est peut-être pas une maison, mais il accueille chaque jour le journal de la philo et Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez ce matin de collectif. Le 16 janvier dernier, le philosophe Jacques Rancière a fait une déclaration devant les cheminots grévistes de la gare de Vaugirard, déclaration qu'a publiée Le Monde la semaine dernière. En quelques paragraphes, il formule son soutien total à cette lutte qu'il qualifie d'exemplaire, mettant l'accent sur la dimension collective qui s'y joue, engagement de la communauté, défense d'un monde commun, collectivité de travailleurs, solidarité comme principe premier et les chemins de fer comme propriété de tous. Collectif, le mot ne m'avait jamais interpellé jusqu'ici. Il me semblait évident, un peu comme la notion d'engagement dont je vous parlais hier. Et pourtant, à force de l'entendre, l'occasion est peut-être venue de l'interroger. Moi, ce que je retiens, c'est que face à des politiques

Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Jules Barbier en compagnie de Manon de la Selle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Marie-Claire Romain Badi à la lecture des textes, Maëlys Ricordo. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur l'architecture. Demain, nous serons en compagnie d'Alexandre Gaddy pour parler de Notre-Dame de Paris ou comment faire du neuf avec du vieux. C'est une question qu'on posera à l'occasion de la journée spéciale proposée par France Culture. Quelles idées neuves pour 2020 ? Toutes les émissions de la chaîne y participeront. Pensez notamment à Mathieu Garrigou-Lagrange qui anime la Compagnie des œuvres, qui consacre cette semaine à l'architecte Haussmann et qui se demandera demain comment repenser Haussmann aujourd'hui. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez télécharger cette émission, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où on attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.